Des enfants, un parc d'attractions, des raptors ultra-violents. Cette semaine, on a maté Jurassic Park et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Mais non, j'ai pas le temps, j'ai matériellement pas le temps, tout ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine. Super générique. Cette semaine consacrée au parc jurassique de Steven Spielberg. À mes côtés pour en parler ce soir avec moi, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Félicitations Antoine pour ce générique. Merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à le faire. J'aime beaucoup. C'était instantané. À mes côtés, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment vas-tu? Super. T'es content? Très content. Tu as aimé ce jour? J'ai beaucoup aimé. Greg est robotisé ce soir. Et enfin, notre consultante Spielberg, j'ai nommé Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Tu aimes Jurassic Park? J'adore Jurassic Park. Alors, Jurassic Park de Steven Spielberg. Oulala, ça a été coupé rapidement. Jurassic Park de Steven Spielberg. Tu veux pas laisser la musique pendant tout l'émission? De 1993, 227 minutes. Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Si, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang du dinosaure qui vivait il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces. Et du domaine du passé. Bienvenue au parc jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Voilà, donc du coup, on a bien compris. Épisode hors série sur Jurassic Park. Alors pourquoi hors série? Parce que j'aime beaucoup ce film en fait. Donc c'est pas du tout 2 heures de perdu. C'est 2 heures de gagné? Ouais. C'est 2 heures de plaisir. Ouais, 2 heures de bonheur. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Alors, ouais, je pose la question parce qu'on n'est pas d'accord en fait. Faut pas exagérer, c'est cool. Hein. Après c'est un film d'enfance et tout, donc c'est bien. Mais bon, après quand tu le revois aujourd'hui, moi je l'avais pas revu. Hein. Donc Greg est vraiment dans 2 heures de perdu là. Ouais, ouais, voilà. Non mais j'ai pas perdu mes 2 heures, j'étais content de le revoir, hein. J'étais content, mais après tu vois c'est pas non plus. Mais du coup vu que moi je le mate à peu près toutes les 3 semaines, ça compense. Il faut savoir que les dinosaures c'est le truc le plus cool des années 90. Ouais. Aujourd'hui c'est les zombies, hein, c'est les dinosaures. Et quand il est sorti ce film, moi j'étais comme un fou. Ouais. Ah, moi aussi, moi, j'étais tellement fan que je m'étais acheté un sweatshirt Jurassic Park. Je te jure, c'est vrai. Hein. J'avais une copie 8 ans, chinoise, j'avais c'était 8 ans. Jurassic Park. Je le portais, je le portais tellement souvent que je l'enlevais tellement jamais qu'on a dû me l'enlever au Karcher. Et tu l'as encore sur toi. J'avais le truc imprimé, ça s'est tatoué sur ma peau. À la plage, je peux dire que je suis emmerdé. Hein. Oh, le gars des années 90. Qui résume l'histoire que tout le monde connaît, mais qui c'est qui la résume? Moi. Greg, c'est un parc où ils ont mis des dinosaures. Non mais allez. Greg. Ouais bon alors avec la, faut que je fasse en détail en vrai. Bon ils ont pris l'ADN de dinosaures qu'ils avaient retrouvé dans un moustique et ils ont créé un méga parc sauf qu'il est pas encore ouvert et avant de l'ouvrir ils vont ramener des scientifiques et des rockstars, enfin une rockstar et des enfants pour voir si ça marche. Ouais. Et on va voir si ça marche et en fait il se trouve que ça marche pas trop. Voilà. Ouais. À cause du geek. Ça vous... Non. Faut... Ouais. Bien, bon, bien. Entre pas trop en détail encore. Ouais, mais enfin, moi j'ai quand même beaucoup aimé revoir ce film, je l'avais pas revu depuis non plus. J'avais vu au ciné quand il était sorti. Moi je trouve qu'il a super bien vieilli. Hein, parce il a bien vieilli. En fait, non, c'est vrai que c'est joli. Tant d'images de synthèse que ça. Sans déconner. Et les animatroniques, ils sont hyper cool. Non, sans déconner. Ouais. Je les trouve plus beaux que dans Indiana Jones. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ouais, c'est moche quoi. Ouais. Et Avatar. Je trouve ça plus beau qu'Avatar. Les dinosaures, ils sont super quoi. Quand tu vois les premiers dinosaures, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai fait, waouh, en fait, ils sont super cool. Je m'attendais à un truc cheap et en fait, non quoi. Non, ça a bien vieilli. Donc le film s'ouvre sur justement l'introduction du Vélociraptor, la bestiole la plus violente. Il chauffe moins. Du film. Moi, globalement, hein, ça va être mon commentaire tout le temps, mais cette scène, je la trouve trop cool. Rien à dire. Ouais, moi, je la trouve cool aussi. Parce que on peut passer directement à la fin, du coup. Bon, c'était bien, merci. Donc, je pense que la dernière scène, l'hélicoptère. Non, il y a un truc qui est chelou, c'est que tu sais, ils vont buter le raptor et qui doit coûter, je sais pas combien ça coûte un raptor, ça doit coûter bien. Franchement, 250 euros max. Vous avez un ordre des prix pour un raptor. Tu l'achètes à Barbès, ils sont moins chers. Ils préfèrent buter l'ouvrier costaricain plutôt que de garder le raptor en vie. À mon avis, ça, si c'était aujourd'hui et que si ça se passait vraiment, je pense qu'il crèverait le gaffe. Bon, c'est pas grave, laissez-le bouffer. Surtout qu'il est coincé. Parce que bon, non, mais ça sert à rien, il est perdu quoi. Et surtout, le raptor, franchement, il lui laisse aucune chance. Ils sont 40 à lui tirer dessus à bout portant. Une cage. Non mais tu te rends compte le manque à gagner là. Ce qui est bizarre sur la scène d'ouverture, je trouve, c'est qu'en fait ils ont une espèce de grande cage énorme qu'ils encastrent dans le portail. Par contre, le raptor à la moindre secousse, ils avaient oublié que la boîte était montée sur roulette en fait. Et d'un seul coup, pouf, le truc qui recule et l'ouvrier se fait choper. Bien moins le bruit de porte. Mais c'est surtout que c'est une énorme cage hyper, tu vois, ça a l'air hyper du futur et ouais. Ça s'ouvre à la main. C'est le mec qui est là, alors il les galère à l'ouvrir. C'est surtout que ça a l'air très high tech et qu'il y a un jeu en fait de 20 cm. C'est vrai. Bah sans doute les ouvriers portoricains là c'est signé hein. Je suis désolé parce qu'ils sont sur Nil, c'est ça non, ouais. Il veut de la manœuvre moins chère, hein. Ouais, voilà. Et puis j'aime bien là, surtout on peut faire un peu un parallèle avec Indiana Jones, mais la vision de l'archéologie par Spielberg, c'est soit t'es Indiana Jones, soit tu fais des maxi trucs avec des dinosaures, mais en vrai ça doit être trop chiant les sites de fouilles, tu vois. Mais dès qu'il y en a avec Spielberg, je tiens juste tout de suite maxi cool. À m'excuser auprès des auditeurs archéologues qui nous écoutent. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc en parlant de sites de fouilles, justement, la scène après, c'est l'introduction des deux personnages, enfin un des deux. Enfin les deux personnages personnages de ce film. D'abord il y a le geek, hein. C'est pas la scène suivante. Ah, le geek il est là avant. Il est là avant puisqu'on va. Non non pardon le. Non c'est après. Hein. Non le quand ils vont sur le site et qu'ils trouvent le moustique vraiment, on a la visualisation. Enfin il y a cette scène aussi où on explique le concept quand même pour dire. Tu vas casser tout mon résumé là. Tu l'as vu 727 fois en fait. Ouais, pardon. Là on est à 2 minutes 32 donc hein, pour ceux pour ceux qui comme Julie connaissent par cœur. Du coup, comme moi j'avance sur les scènes où j'avais des choses à dire, mais si vous avez vous des choses à dire sur la scène du moustique. La scène du moustique, non. Non, c'est un gros moustique. C'est quand même étonnant qu'ils arrivent à recréer tout un parc et recréer toutes les espèces avec un seul moustique dans l'orbe. Quoi, ouais, mais en fait, il avait piqué tous les dinosaures un par un. En fait, ils ont trouvé un herbier, tu sais, classé et tout. Donc en tout cas sur le site de fouille on les voit. Heureusement qu'il avait pas piqué une marmotte. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est un truc du Jurassique ça? Bah non, ça c'est une marmotte. D'ailleurs ils expliquent pas du tout dans le film. On a une clôture de 10 000 volts hein, pour la marmotte. Ils expliquent pas du tout dans le film, mais pareil ils font tout un truc sur on a aussi recréé plein de plantes de l'ère Jurassique. Oui, comment? Comment avec l'ADN de plantes que les moustiques ont piqué. sur le site de fouille il y a un truc qui me fait marrer, c'est que du coup t'as Sam Neill qui bosse. Ouais. Et à un moment, tu vois, il y a un peu ce truc-là, il est sur un site de fouille avec des professionnels, et après ça, ouais, on vous appelle parce qu'il y a un truc sur l'ordinateur. Bon, déjà, on comprend qu'il aime pas les ordis, pas les gosses, pas les trucs. Et là, d'un seul coup, il y a 20 touristes qui sont là pour l'écouter. Ouais. Non, c'est des archéologues aussi. Mais non, dedans, il y a un code. Ah oui, non, il y a sacré en avance. Hein. Parce que, en fait, il explique, grosso modo, il explique que les dinosaures se rapprocheraient au niveau des ossements des oiseaux. Ouais. Et t'as un gamin, tu sais pas ce qu'il fout là, il est au milieu du désert. Moi, je trouve un gamin au milieu du désert, je le mets directement au commissariat le plus proche pour qu'il soit retrouvé par ses parents. Il est dans le désert. Mais non, mais il est avec ses parents. D'un seul coup, il y a 20 touristes, ils ont tous des chapeaux. J'ai pas compris qu'il était avec ses parents. Et des trucs de photos. Ah, ils ont des appareils photo. Pour moi, c'était vraiment un enfant d'archéologue quoi, qui traînait par là. Ah bon. Et qui avait mais en plus, il est super pas cool avec lui. Il fait ah, mais ça fait trop ma peur. Ouais, et l'autre, il arrive, il fait cool, ah ouais, quand il va te lacérer avec sa griffe, genre, il le menace de fou. Bah, et personne ne dit rien et tout le monde se tait, genre on l'écoute parler quoi. Mais surtout, qu'est-ce qui est devenu cet enfant depuis quoi? Je pense qu'il est en asile, c'est pas possible. Hein. Mais je pense que. Enfin, on va en parler, mais dans ce film, Spielberg, il aime pas beaucoup les gros. Parce que le petit qui fait chier, il est gros et le méchant, il est gros. Tu parles de Michael Bourg. C'est pas mal dans ce film d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc lui, il aime pas les ordi, il aime pas les enfants. Moi, j'arrive toujours pas à savoir si c'est sa meuf ou pas. Ah bah si, puisque il parle d'enfants. Il ne s'embrasse pas du film. Il ne se touche pas du film. Ouais, mais il aime pas les bisous non plus. Hein. Là où dans un film de Van Damme, ça baise, il fait froid. là, ils ne vont pas se toucher du film. Donc la chimie, on peut considérer qu'elle est pas. Entre nous, il y a eu des scènes coupées. Hein. j'ai vu des trucs. scène de notamment avec un raptor. Oui, mais c'est pour faire jouer le personnage de Jeff Goldblum qui vient un peu briser ce mariage, admettons. Ah, ils sont carrément mariés, toi, t'as des infos, quoi. Moi, je me sentirais menacé par Jeff Goldblum. Donc après, il y a justement l'arrivée... La dernière fois que tu t'es tapé une meuf, ils étaient transformés en mouche, en plus. On a eu de la chance que ce soit pas lui qui se transforme en dinosaure. Après, il y a l'arrivée à Jurassic Park, donc l'introduction de Jeff Goldblum dans l'hélicoptère. Jeff Goldblum, le bad boy. Faut quand même expliquer. Sur les fouilles, enfin bon, tout le monde l'a vu, mais bon, sur les fouilles, d'un seul coup, t'as un hélicoptère qui arrive. Donc, déjà, c'est marrant parce que l'hélicoptère, tu l'entends pas arriver au loin. Il arrive d'un coup. Et en fait, l'hélicoptère n'a pas encore atterri, professeur est déjà dans la caravane en train de picoler le champagne qu'ils avaient dans le frigo. Gars. Lui, en fait, il avait sauté en parachute 15 minutes avant. Mais avec sa canne. Il a des problèmes. Et il leur explique que voilà. Attends, mais déjà, on peut dire aussi que l'hélicoptère choisit bien, il atterrit pile poil l'endroit sur les fouilles, donc ça fait que ça avait valdingué tous les épisodes. C'est-à-dire que le professeur n'a aucun respect pour la science. Il veut son parc, Il s'en fout. Et donc il invite les deux scientifiques à venir visiter son parc, on sait pas encore trop ce que c'est. Enfin bon. Et donc moi je savais pas, à ce moment-là j'avais pas deviné encore ce que c'est. En plus il est hyper mystérieux, il dit pas du tout donc j'ai recréé des dinosaures, faut que vous veniez voir ça, tu vois. Il dit juste c'est un parc. Ouais. Il y a encore des attractions. Il dit jamais en quoi ça concerne quoi. Je crois qu'il fait un gros forcing quand même pour les ramener. Bah il leur propose de l'argent. Pour leur fouille, pour bon les ouais, ils financent 50 trucs. Mmh. Eux, ils sautent de joie, ils savent le champagne, ils savent même pas. Ils partent en week-end avec un fou qui est venu en hélicoptère et qui a ruiné leur site. Ceci dit, s'ils ont eu le pognon, c'était quand même pareil gagné. Ouais, c'est un bon deal, oui, c'est vrai. Mmh. Ouais. Donc, ils prennent l'hélicoptère avec Jeff Goldblum, mathématicien du chaos. Mmh. Théoricien du chaos. Qui est hyper cool. Moi, j'aime bien le perso. Alors, il a des lunettes violettes, tu sais pourquoi. Parce que c'est Jeff Goldblum, tout simplement. Pendant que l'autre est en train de s'énerver sur sa ceinture, il prend deux bouts pareils, il fait quatre fois. Mais il essaye quand même quatre fois, ça marche pas, mais il essaye quand même. Ouais. C'est-à-dire que le mec, c'est un grand scientifique renommé spécialiste des dinosaures, il est capable de reconnaître n'importe quelle espèce de dinosaure, par contre, il sait pas mettre sa ceinture de sécurité. Non, mais c'est un cow-boy, c'est un mec simple, tu vois, c'est un mec. Il aime pas les ordinateurs, il aime pas les ceintures, il aime pas les bisous, il aime pas sa femme, il aime pas les enfants, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Mais en même temps, mettre une ceinture de sécurité, c'est le deuxième truc que t'apprends après marcher, quoi. Tout le monde sait mettre une ceinture. Mais lui, il fait du cheval, en fait. Et il y a aussi l'avocat méchant. On va pas trop en parler de lui, mais bon, non, voilà, c'est le cliché l'avocat de l'avocat traître. Méchant, quoi. Mmh. Avocat méchant, mais en short, quand même. Il est lâche, méchant. Ce qui relativise un peu sa méchanceté, quand même. Ah, mais au Costa Rica, même les méchants ont des shorts. Hein, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ensuite, on arrive à Jurassic Park. Et alors là, il va quand même leur montrer c'est quoi les dinosaures. Ouais. Du coup, ils sont tous les quatre en bagnole. Ça m'a vraiment fait marrer. Ils sont dans une petite Jeep. Tu vois partout autour de toi et tout. Ils roulent dans une grande plaine. Et à un moment, ils tournent la tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu des putains de diplomocus de 100 mètres de haut depuis le début. Et à un moment, ils tournent la tête. Ils font « Wow, des dinosaures !» genre, ils hallucinent. Et surtout que le truc est à 5 mètres d'eux. Ouais. Il descend de la bagnole et là, d'un seul coup, il y en a 300 et on voit tous les types de dinosaures possibles. Ouais. Et ce qui est assez marrant, parce que plus tard dans le film, ils vont faire un tour et ils vont être très déçus de ne pas voir les dinosaures en disant oh, « Mais c'est trop nul, Jurassic Park, il n'y a pas de dinosaures. Ouais, » Alors là, tu viens d'en voir 60. Excuse-moi. Mais ceci dit, ils sont quand même menaçants, ces dinosaures. Ils sont laissés dans la prairie au début, mais qu'est-ce qu'il dit que le dinosaure, il va rien te faire. Il en a rien à foutre de toi, genre il peut très bien t'écraser. Quoi. Le mec, il a étudié les dinosaures toute sa vie qu'en ossement. Il sait exactement comment il se comporte et surtout il fait là. Non mais ça c'est un herbivore, ça peut pas nous tuer. Le machin fait 300 mètres, a l'air ultra vénère. Moi je me retrouve devant un éléphant, il a beau être herbivore. Je pense que j'ai peur. Et ensuite il y a la fameuse scène du harnais et de la vache. Déjà sur cette scène en fait, donc il voit des dinosaures, bon il hallucine de voir des vrais dinosaures. Et là le professeur lui annonce qu'il a aussi un T-Rex. Ah ouais. Et la première réaction, il vomit. On comprend pas pourquoi. Ben, je sais pas, il a envie de vomir. Elle lui dit, mais ta tête entre tes jambes, là, tu vas vomir. Ah oui, parce qu'il est, ému, il est choqué, quoi, par ce qu'il est en train de voir. Ouais, il tombe au sol, il est mal, et ensuite, le gars, il sort dans la plaine, et il fait, bienvenue à Jurassic Park. Et là, t'entends la musique et tout, c'est trop cool. Et après, il lui dit qu'il a créé des vélociraptors. Est-ce que tu peux me dire, Antoine, est-ce que tu peux dire à l'antenne, là, ce que tu m'as dit tout à l'heure, que t'avais pleuré en entendant cette musique? J'ai dit qu'en voyant le film, j'étais très ému. Et c'est pas pendant cette scène, c'est à l'arrivée en hélicoptère. Ouais. Parce qu'il y a deux, musiques, il y a le tin, nan, nan, nan, nan, celle-là qui me fait chier, mais il y a celle que j'ai mise pendant le générique, que du coup, je vais pas chanter. Et celle-ci, par contre, j'avoue, je l'ai eue, ça m'a rappelé plein de souvenirs, et j'étais comme un gosse, et ça m'a ému. Voilà. Donc après, il y a la scène, voilà, avec la vache, parce qu'on nourrit un T-Rex. Non, un vélociraptor. C'est l'enclos des vélociraptors. Ah, donc c'est des vélociraptors. Mm-hmm. Donc du coup, c'est quoi le plus simple pour nourrir? Alors, soit tu files de la viande, soit tu mets une vache sur un harnais, ce qui a l'air vachement compliqué. C'est des chasseurs, hein. Oui, mais sachant que la vache, elle reste accrochée au harnais de toute façon. La chasse, elle est pas hyper complexe, quoi. Surtout que ça doit leur coûter un harnais à chaque fois aussi. Surtout que ça doit leur coûter un bras de faire venir des vaches en hélicoptère. Oui, le harnais est pété, quoi, à chaque fois. Eux qui nourrissent la raptor et après ils nourrissent les humains parce qu'ils vont faire une petite bouffe entre eux. Ah ouais, il y a le débat philosophique du tout le film. C'est vrai que Jeff Goldblum ne dit qu'un seul truc pendant tout le film. Soit il fait des petites blagues, soit il dit non, mais attendez, c'est le chaos, vous n'avez pas le droit de jouer avec ça, machin. Donc ouais, il a pas tort. C'est sur quoi il a raison. Ouais, en plus, je trouve ça cool. Ça se vérifiera. Ça cool ce qu'il dit, moi. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant sur la théorie du chaos parce que la meuf, c'est une grande scientifique, mais elle a jamais entendu parler de la théorie du chaos. Oui, mais attends. Ah bon? Qu'est-ce que c'est quoi? Oui, ils sont un peu cutéreux quand même, les deux scientifiques. Ouais. C'est vrai que je crois qu'ils ont fait du dinosaure depuis qu'ils sont nés, quoi. Tu vois, ils ont pas été à l'école, ils grattent la terre. Hein. T'as fait quoi, toi? Dinosaure. Donc, j'ai fait venir deux experts. Dinosaure. Surtout que le mec, il est pas à la base. En plus, son boulot, c'est de gratter la terre. Là, il en voit en vrai. Non, mais c'est-à-dire que tout ton métier est complètement redéfini, quoi. Ça veut plus rien dire, en fait, ce que tu fais. Ouais, ah mais oui, c'est comme, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est genre ramener un expert des ossements, quoi, en fait, tu sais, pour voir des animaux vivants. C'est pour ça qu'il lui a promis plein de thunes, c'est qu'en fait, il lui en donnera pas, puisque de toute façon, il a plus besoin de faire de recherche. C'est fini son boulot. Et du coup, après, là, on va partir. Faire le grand tour, donc le fameux tour dans les Ford, là, les Ford Escort, là. Ouais. Qui sont trop cool. Ouais. Et on introduit peut-être le personnage le plus chiant du film, qui sont les enfants. Ouais, alors, il est relou, hein, le c'est môme. Assez... Alors, en fait, faut expliquer que... Ah, le môme, il a fait dinosaure aussi, parce que ça n'a rien à faire chier avec les dinosaures. Mais ce qui est assez drôle, moi, je trouve, en fait, quand je vois cette séquence, quand les deux enfants arrivent, ils adorent leur grand-père. Le grand-père, c'est celui qui a monté le parc. Et le grand-père a l'air vraiment du grand-père modèle, c'est-à-dire qu'il fait très attention à leur sécurité. Et à un moment, il dit même, ne vous approchez pas trop des voitures, les enfants. Et après, par contre, il va bouffer en cuisine tout seul pendant que ses petits-fils sont en train de se faire bouffer par des T-Rex. C'est clair. Genre, on va parler tout à l'heure. Ouais, j'ai plein de remarques là-dessus, mais c'est vrai qu'il est là, genre, oh là là, attention, les enfants. Et ensuite, il va les mettre dans deux bagnoles où il n'y a pas de conducteur, dans un truc qui marche pas du tout. Entouré de les gens qui les encadrent depuis, genre, 24 heures. Ah, vous faites gaffe, hein, c'est mes petits enfants. Hein. Ça va? Je comprends pas ce que vous me dites. Ouais, bon, moi je vais les gonfler plutôt à l'avocat. Et moi, le petit, quand il arrive, il dit un truc. Le petit, il a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans, ouais. 9 ans. Ouais. Il arrive face au personnage de Sam Neill et il fait ah, j'ai lu votre bouquin, c'est pas mal. Attends, genre, déjà, le gars, il a écrit qu'un livre, Dinosaure, là. Il s'appelle Dinosaure. Au pluriel. Et le petit 7 ans, il s'est tapé, genre, 900 pages par un archéologue. Hey. Et en plus, il fait, c'est pas mal. Tu te perds un peu vers la fin, mais... On découvre aussi le personnage de Samuel L. Jackson. Ah oui. Travail qui est employé dans le parc. Je crois que dans le film, il n'y a pas un plan où il ne fume pas. Oui, oui. Ah bon, c'est-à-dire que Gainsbourg, c'est un sportif de haut niveau. Et donc lui fume club sur club. Ouais, c'est une horreur. On a une vision un peu plus précise aussi du gros, donc du méchant à lunettes. Alors oui, en plus, il n'est même pas vraiment méchant, c'est juste un peu un tocardo, quoi. Bah, c'est un tocardo qui, qui dit qu'on l'a pas assez payé, et du coup, qui veut récupérer des échantillons d'ADN de dinosaures. Mm-hmm. Ouais. Pour les revendre aux concurrents, de ce qu'on comprend, en tout cas. Ceci dit, le concurrent, il a intérêt à avoir du pognon, parce que je crois que le parc, il a coûté 400 millions de dollars à l'époque, pour créer, parce que vous avez vu toutes les... Alors, non, c'est bon. Oh, ok. Toi, t'as vraiment envie de parler budget à chaque fois. Attends, combien ça coûte un vélo? Combien ça coûte? Il faut que je fasse un planning prévisionnel, on m'a demandé ça, parce que je suis dans le parc concurrent, justement. Et ouais, donc du coup, puis il est maladroit aussi, le gros. Enfin, on va le voir plus tard. Ah, mais, il est maladroit. On parlait de Bénil, mais alors là, c'est. Non, mais c'est pas qu'il est maladroit. Mister Bean de Jurassic Park, quoi. Enfin, il va faire que des conneries, quoi. Enfin... Avec un surpoids en plus, quoi. Il y a pas beaucoup de chance, quand même. Donc là, on fait le petit tour en bagnole. Donc là, ils sont un peu déçus parce qu'ils voient pas tous les dinos. Ils arrivent devant la cage du T-Rex, ils voient pas de T-Rex. Par contre, ils voient quand même les lumières rouges et qui sont ultra flippantes parce que tu vois pas de dinosaures, mais t'as la lumière qui tourne et tu dis, oh, ça fait trop... Tu sens qu'il y a un truc un peu vénère derrière. Pour faire venir le T-Rex. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils mettent une chèvre. Ouais. T'as vu, j'ai suivi. Moi, ça m'a fait marrer, c'est-à-dire que la chèvre, elle est là en continu. Elle est là, ouais. Dans une espèce d'enclos souterrain. Et d'un seul coup, elle sort. En fait, dans le making-of, ils avaient mis un paquet de pop-corn, mais ça faisait moins d'effet. Mais ce qu'il faut savoir. Et ce qui est très drôle quand même, c'est que le vélociraptor, qui est quand même beaucoup plus petit qu'un T-Rex, on le nourrit avec une vache. Mais par contre, le T-Rex, c'est genre plus grand. Une chèvre, quoi. En plus, la chèvre, elle a l'air trop en galère. Genre, putain, mais qu'est-ce elle est attachée en plus au cas où le raptor n'arrive pas à l'avoir, quoi, tu vois. On sait jamais, hein, c'est qu'un dinosaure. Et donc après ils vont tomber sur oh le Diplodocus malade. Ouais, c'est triste, hein. Ah oui, en fait ils voient pas le T-Rex. Voilà. Le T-Rex veut pas se montrer, il est timide. Et du coup ils vont voir c'est pas un Diplodocus, c'est un espèce de je sais pas ce que c'est. Enfin, bref. Et effectivement il est malade. Et donc il y a la compagne de l'archéologue qui est aussi archéologue. La compagne de dinosaure. Voilà, qui a jamais vu un dinosaure de sa vie, mais elle fait un diagnostic tout de suite. Mais oui, c'est-à-dire qu'elle est tout seule. Bon, elle a un peu le rhino là. Est-ce que je peux voir ce qu'elle a chié dans les dernières 24 heures? La meuf l'a touché qu'il y a des ossements de sa vie. Et là déjà il y a l'orage en plus, tu vois, elle devrait goûter, tu la vois, tempête ça commence à venir. Alors oui, parce que ce qu'avait pas pensé le professeur, c'est qu'il monte un parc avec des dinosaures dans une zone de tempête, quoi. Enfin, oui. Ce qu'avait pas pensé le professeur surtout, c'est que tout le monde puisse descendre de la voiture. Il fait putain, mais en plus il y a 40 milliards de dollars. Lui dit, je vous avais dit de fermer les portes des voitures. Wow, tu sais, genre il y a eu un débat, c'est et vrai que c'était dit, compliqué, j'ai envie qu'on puisse sortir. On sait jamais, si tu vas aller admirer le T-Rex devant sa cage, c'est quand même pas mal de pouvoir sortir et rien dire à personne. Donc bon, ça c'est un peu chelou. Donc ils décident de se splitter parce que oh là là, il y a de l'orage. Donc nous, il vaut mieux qu'on retourne dans la bagnole, faire le tour. Et puis bah toi, va mettre les mains dans la merde du truc. Ouais. Et là, c'est comme les films d'horreur. Dès qu'on se sépare, c'est le début de la fin. Quoi. Ah ouais, c'est on le sentait venir. Hein. C'est le début de la tempête, quoi. Parce que du coup, donc là, il va commencer à faire nuit et le gros geek, en fait, il va tout casser, il va tout dérégler. Donc là, il n'y a plus rien qui marche. En fait, il va couper le système d'alimentation. Pour détourner la sécurité. Ouais, et puis de. Mais c'est marrant qu'il le fasse pas le lendemain, tu sais, quand il fait beau ou quand c'est pas la nuit, quoi. Non, parce que si tu as été très attentif, tu sais qu'il y a quelqu'un dans un bateau qui l'attend à 19h. Ouais, mais c'est quand même bizarre. Au pire, on peut reporter la semaine prochaine, quoi, tu vois. Enfin, ouais, c'est pas... Parce que, bah non, ça tombe mal, ce jour-là, il y a justement les gens qui viennent visiter le parc. Non, mais c'est pas grave, je vais le faire pendant ce temps. En fait, ouais, il endommage le système de sécurité pour pouvoir aller voler les échantillons. Ouais. Exactement. Très juste. Et du coup. Ouais. Merci. Donc là, lui, il part. Il réussit à choper les machins. Et là, c'est comme on a dit, hein, monsieur Maladresse, en fait, quoi. Ce qui est bien, c'est que. Monsieur Maladresse, c'est-à-dire aussi. Que ce qui est plus simple, c'est qu'une fois que t'as les échantillons, c'est de passer tout droit dans la savane plutôt que de suivre la route. Ah, oui, c'est sûr. Alors, il va avoir deux accidents. C'est-à-dire que le mec, en 1 km de trajet, le type, il peut pas se dire, bon, je vais aller un peu tranquille, ce serait pas cool d'avoir un accident là maintenant, sachant que j'ai pété tous les trucs de sécurité. Bam! Premier accident. Tu sais même pas comment il sort de là. Deuxième accident, en plus là il s'est planté dans une cascade. Sachant que le premier accident il se plante dans le panneau, en fait, dans le panneau d'affichage qui lui dit où aller, quoi. Ouais, ce gars là porte la poisse, hein. Après il perd ses lunettes, après il tombe en face de dinosaure à la totale, quoi. Ouais, en plus il se fait attaquer par un dinosaure, il s'enfuit, il monte dans sa voiture, il ferme la porte et oh, il y en avait un autre sur le siège passager. C'était pas le même, pour moi c'est le même. Hein. Ouais, pour moi c'est le même aussi. Mais du coup on a déjà rencontré le T-Rex là, en fait. Ouais, T-Rex, on a accéléré parce que à ce moment-là, on a déjà, du coup, on est obligé d'en parler un petit peu. Cette scène, j'ai rien à dire, c'est la meilleure scène quasiment du monde. Elle est très impressionnante. Elle est hyper cool, elle est trop bien faite. Il y a vachement de tension. Alors vas-y, Greg. Très bien. Par contre, elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Elle est super. Greg, vas-y. Non, elle est pas vachement bien. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, tu sais, le professeur dinosaure. Il dit attention, ne bouge pas parce que sa vision est basée sur le mouvement. Mais qu'est-ce qu'il en sait, quoi, tu vois, ça peut pas le savoir. À partir des ossements. Sa vision est basée sur le mouvement. C'est des conneries. Là. Non mais là, faut m'expliquer là. Il y a des choses quand même qui ont dû être écrites sur les dinosaures. Il y a plein de trucs là-dessus, mais on va vérifier ça tout de suite. À mon avis, Google. Ils sentent la vie, quoi. Tu vois, ils doivent sentir l'odeur, le machin. Ils te débectent, ils en ont rien à foutre, ils cassent tout. Là, j'aime bien, tu vois, les dinosaures. Tu vois, un chat, quand il y a un petit truc qui bouge, il hésite pas à tout casser ce qu'il y a autour, il s'en branle. Là, le dinosaure, il fait non, je vais pas attaquer ça. Non, mais c'est clair. Tu vois, surtout que les mômes, tu sais, ils résistent à la poussée du bec du dinosaure avec leurs petites mains sur la plaque de plexiglas, quoi, tu vois. Ce qui serait emmerdant pour les dinosaures, c'est maintenant que toutes les chèvres et les vaches du parc le savent et arrêtent de bouger. Faut pas, c'est pour ça qu'elle se fait pas attaquer, la chèvre. Elle bouge pas. Elle bouge pas. D'ailleurs, la chèvre n'est plus là. Ouais, la chèvre avait disparu. C'est ça qui dénote l'arrivée du T-Rex aussi. En fait, il y a un bout de la chèvre qui arrive sur la voiture même. Mm. C'est comme ça qu'on sait que le T-Rex. Et ensuite, il y a aussi le. Bon, Monsieur Caca l'avocat qui se fait bouffer en étant assis sur ses chiottes. Mais d'ailleurs, pourquoi il a son short alors qu'il est censé être malade? Bah, c'est pour les. Limite d'âge pour aller voir Jurassic Park, on va pas montrer la teub d'un mec qui est... Ouais, mais enfin, dans un souci de réalisme, Non, mais je pense qu'en fait, il s'assoit, tout simplement, il attend que ça passe. Hein. Mais pourquoi le pantalon baissé, du coup? Il a le pantalon baissé? Non, justement. Il est en caleçon. Non. Il est en short, normal, quoi. Bon, bref, peu importe. C'est simple que ça. Déjà. Alors il se cache et il est en short. Il y a un truc qui va apparaître aussi sur le bord de la route. C'est un ravin de 15 mètres. Parce que ouais. Il est pas du tout là. Et là d'un seul coup la voiture tombe dans le vide. Ouais. Et il y a tout un truc où il va aller chercher. Il y a un ravin. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est la chute de la voiture quand même. La voiture tombe. Il galère un peu à récupérer les deux gosses. Et il y a un truc qui me fait marrer, c'est que là ils vont monter dans l'arbre. Et ils vont dire, bon, ok, le mieux, c'est qu'on passe la nuit ici et tout. Et là, les gosses, ils sont, mais ok, ils se font un gros câlin. Ouais, ils sont pas trop stress, ouais. Ils font vraiment, vraiment, ils sont genre en mode, c'est bon, tout va mieux, quoi. Et pendant pendant au QG, il y a l'autre qui est en train de bouffer tranquillement, tu vois. Il y a son parc qui est en train de couler. Ouais. Et lui, il a quand même de l'appétit. Il y a surtout ses petits-enfants qui sont en train de crever, quoi. Mais il est en train de manger tranquillou, sa petite glace. Il fait, ouais, ouais, c'est difficile. Hein. Je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, mais ils ont une grande discussion. Ils discutent avec la femme. Ouais. Et ils ont un débat philosophique sur l'avenir de Jurassic Park, tu vois. Et ces deux gosses ont disparu, l'autre, son mec a disparu. Et Jeff Goldblum est en très mauvais état aussi. Ah oui, mais en plus, il devrait s'inquiéter à mort. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête des parents, quoi? Va voir ton grand-père, il fait un parc avec des gros dinosaures. C'est peut-être le moment d'y aller. On n'est pas sûr que ça marche, mais bon, vous le verrez en avant-première quand même. Apparemment, il y a l'éminent scientifique dinosaure qui est là-bas. Moi, je suis confiant qu'il s'occupe de toi pour le week-end. Mais tu comprends que les parents sont en plein divorce aussi. Ils le disent au début en disant que la mère. Oui. Et c'est pour ça que c'est lui qui a la garde de ses petits-enfants, justement. D'accord. Et oui, scénaristiquement. En même temps, papy, il a du pognon, hein, quand même. Hein, je veux dire, ils peuvent demander ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, ils se discutent sur la philosophie de Jurassic Park. Et le lendemain, donc il y a le réveil. Ils ont quand même réussi à trouver le sommeil. Hein. Moi, je sais pas, je me fais attaquer par un T-Rex, je tombe de 60 mètres d'un ravin. Ah, mais ça pose aucun problème. Je dors dans les bras d'un inconnu. Et les petits, ils se réveillent. Et bah, tout va bien. Bon, si tu te fais une bonne tisane de tilleul à la fin. Alors... Et globalement, comme quoi, c'est pas si impressionnant. Un T-Rex, ça te coupe pas l'appétit, ça te coupe pas le sommeil. Bon, et là, pourquoi fermer ce parc? Il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que le matin, les deux gosses, ils se réveillent. Et là, dinosaure, je vais l'appeler comme ça, il est là, il fait chut. Et il appelle des dinos au loin, tu sais. Ouais. Et il fait non, mais vous inquiétez pas, ceux-là, ils sont herbivores. Et c'est des trucs énormes et monstrueux, ils peuvent t'avaler en une bouchée, ils sont là tout près, et ils commencent à le toucher, et genre, les petits sont là, genre, ouah, c'est trop mignon. Non, mais en vrai, t'as une phobie de dingue des dinosaures après ce qui t'est arrivé la veille, quoi. Mais c'est vrai, il y a un postulat que c'est un herbivore, donc il est gentil, mais je vois pas pourquoi il te mettra pas une grosse baffe dans la gueule juste pour te faire chier, quoi, tu vois. Tu sais, ou qu'il te pousse, ou qu'il te regarde, quoi. Une grosse baffe, les dinosaures, ça a des tout petits bras. Pas ceux-là. Il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il y a un des petits qui est hyper cruel parce qu'il demande à l'archéologue dinosaure, là, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant que ça sert plus à rien de faire des fouilles ?» Voilà, de nulle part, quoi. Mais d'ailleurs, il y a un moment donné où j'ai trouvé ça un peu bizarre, il y a le scientifique qui voit un dinosaure et il demande au gamin ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que lui-même ne sait pas. Le gamin, il serait plus calé que lui pour déterminer le nom d'un dinosaure. Dinosaure. Donc c'est le moment d'élire la star du film. Donc c'était un peu compliqué pour Jurassic Park parce que pour moi c'est tous des stars. Oh ouais. Ouais. Donc j'ai un petit extrait de Jeff Goldblum, très très court, mais c'est assez drôle. Il faut écouter ça. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. Donc il fait plein de bruit de bouche pendant le film. Sa voix, elle est cool quand même. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, je crois que c'est la voix du génie dans Aladdin. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Et par contre, alors là, j'ai une petite devinette. Qu'est-ce qu'il a fait, le vieux, avec le parc? Qu'est-ce qu'il a fait avec Jurassic Park? Pour si on devait dire comment il a avant, dépensé, il a dépensé comment, le vieux? Sans compter. Il a dépensé sans compter. Il l'a dit sans compter aussi. Ouais. 50 000 dollars par an ont été bien dépensés. Je possède une île au large du Costa Rica. Une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter. À côté, celle que j'ai au Kenya a l'air d'un zoo de poche. De conception absolument spectaculaire. J'ai dépensé sans compter. La voix que vous entendez maintenant est celle de Richard Kiley. J'ai dépensé sans compter. Ouais, moi, c'est cohérent. Ça. Donc, il a vraiment mis le pognon. Hein. Ouais, ouais. Ah bah ça, oui. Hein. Et en même temps, il y a quand même des milliers d'employés. Alors, oui, c'est incroyable. Donc, je suis désolé, je vais spoiler la fin parce que ça se passe mal. Hein. Je vais pas vous le cacher. Non, dis rien. Il y en a quatre qui se barrent en hélico. Ils sont où tous les putains d'employés qu'on voit depuis le début? Les scientifiques, les machins, ils sont tous en bateau. C'est le week-end. C'est le week-end, genre 19h, la dernière navette. Tout le monde se casse et on laisse que les 19h et 4 enfants, quoi. Et du coup, le matin, ça faut vraiment se souvenir très précisément du film. Ils sont dans la salle des commandes. Ouais. Donc il y a la nana dinosaure, le vieux, Samuel L. Jackson, et il y a Jeff Goldblum qui est blessé, qui est allongé sur une table dans la position de Michael Jackson sur la pochette de Thriller. Il a la chemise et il est calé comme ça. Il est en train de draguer ou pas? Mais oui, il est super blessé, il doit être terrifié. Et là, il est tranquille, quoi. Genre, il est... Je t'ai parlé de la théorie du chaos. Mais comme dirait le professeur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce que pendant le repas, il dit ça. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, les enfants sont avec le plus grand expert des dinosaures. Bon, oh, bah ça va, c'est cool. Ah bah, je veux dire, tu te fais attaquer par un T-Rex si t'es avec dinosaures, tranquille. Moi, franchement, je m'inquiéterais pas non plus. Il aime pas les gosses, il aime rien, tu vois. Aucune raison de s'inquiéter. Personne n'est inquiet. Donc là, ils vont rebooter le parc. Ouais. Oui. Pas simple, hein, de rebooter le parc. Il faut aller le rebooter, le parc. Mais parce qu'on n'est pas dans les années 2000, donc quand on reboot, bah, en fait, ça s'appelle éteindre. En fait, il faut aller le rallumer, quoi. Ce qui est malin, c'est qu'en fait, le gars, c'est son parc, mais il a donné les tout pouvoirs à son informaticien, et il n'y a que lui qui peut rebooter. Il n'aime pas du tout, en plus. Bon, bah, écoute. Hein. Là, on rappelle aussi que personne n'est inquiet, alors pas du tout. Non, mais ouais, il n'y a pas de raison, ils sont entre de bonnes mains, quoi. Et y a cette scène, du coup, le courant a été coupé. Et donc Dinosaure et les deux gosses, il faut qu'ils sortent du parc. Et là, il y a la clôture de 10 000 volts qui les empêche de sortir. Mais coup de chance, puisque le courant a été coupé. Donc en fait, ils peuvent sortir à pattes. Escalader la clôture, oui. Et parce que la lumière est éteinte. Et en fait, il a un petit bout de bois. Il le jette dessus. Il se passe rien. Il fait « Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'électricité. » Je sais pas, moi, j'irai faire un deuxième check. Hein. Non, mais c'est surtout qu'en plus, cette scène, il y a la place de passer entre les... entre l'entrée et les gros tout escalader. Non, justement, parce qu'à un moment, il tient peut-être qu'on va passer. Il essaye et... Mais il essaye, mais hyper mal, quoi. Genre, il essaye de travers, quoi, tu sais, avec les épaules. Quoi. Les petits, c'est clair qu'ils passent. Non, mais rigolez pas avec ça. Moi, j'ai fait les mesures, hein. Je peux dire que c'est pas. J'ai fait des arrêts sur image bien précis. Et c'est surtout que ça tombe au même moment où Laura Dern donc, va rallumer le courant et se retrouve avec le bras de Samuel L. Jackson sur l'épaule aussi. Un moment traumatisant. Ah, le bras de Samuel L. Jackson? Ouais, du bras. Il n'y avait pas de clope entre les deux. La clope, elle est encore fumante. Et il a l'autre bras que le cendrier. Mais surtout quand alors ça c'est vraiment l'effet parc d'attraction. La nana, elle remet le courant et là entre les câbles, il y a un vélociraptor qui sort, tu vois. Genre il était caché, oui. Il fait je vais la laisser remettre le courant et ensuite je vais la attaquer. Mais d'ailleurs, il était où ce raptor? Sérieusement, il s'est dit bon, je vais aller dans le bunker, justement, je vais me fumer une petite clope et puis je vais l'attendre là, quoi. Surtout que je sais même pas parce que, ah, bon, on va voir, pareil, je spoil, mais bon, les raptors, ils savent ouvrir les portes. Ouais. Là, faut l'ouvrir la porte du générateur parce qu'il faut l'attirer. Après, il l'a bien refermé derrière lui. Le digicode aussi, fallait le connaître. Hein. C'est surtout qu'il fallait se repérer parce qu'elle est en contact avec l'autre qui la guide avec le plan. Donc, ouais. C'est-à-dire que le vélociraptor a aussi un contact. Ouais, non, c'est pas possible. Il y a un autre vélociraptor. Il a dit à gauche. Tu fais très bien le vélociraptor. Et du coup, pareil, donc les petits, ils arrivent enfin. Et tu vois, ils ont été. En vrai, qu'est-ce qui se passe quand il vient de t'arriver un truc aussi traumatisant? Enfin, je veux dire, tu restes dans un coin, tu t'enfermes et tu te mets dans une couverture de survie. Ah non, non, là, ils vont faire quoi? Ils vont dans la cuisine et ils vont manger des gâteaux. Bah, surtout que le gamin vient de se prendre 10 000 votes dans le cornet, quoi. Il a l'air d'aller bien. Dans le cornet. En même temps, si on avait eu un film sur deux gamins allongés dans les sacs de couchage pendant deux heures, ça aurait été chiant. Tu sais. Les enfants sont terrifiés. Et donc là, il y a les raptors qui attaquent et la scène qui me faisait très peur quand j'étais petit, la scène de la cuisine. La scène de la gelée. Ouais, putain, bah, ça fait peur. La scène de la cuisine. Ouais. Qui explique, allez, j'en ai marre d'expliquer. Eh ben en fait, les deux gamins sont laissés en fait tout seuls parce que le dinosaure, le scientifique laisse les gamins à la cuisine et va rejoindre les autres en leur disant je reviens avec les autres. Ce qui est parfaitement donc, logique. Donc, il arrête pas de se passer de la merde depuis le début, mais je vais les laisser seuls, tiens, ça me paraît. Donc, tiens, bah, manger des gâteaux et puis papy il va faire autre chose. Et du coup, le problème, c'est qu'ils se goinfrent de gâteaux, ils en profitent. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un vélociraptor qui s'est introduit dans le restaurant, en fait. Donc, ils vont se planquer dans la cuisine. Le vélociraptor arrive, il ferme la porte. Mais sauf que le vélociraptor est un dinosaure très intelligent qui sait ouvrir les portes. Et le vélociraptor va ouvrir la porte, c'est limite s'il va pas se faire des œufs en beurrette dans la cuisine. Et donc, ils se retrouvent à la merci des dinosaures alors qu'ils sont seuls. Bah surtout, quand, je sais pas si vous avez remarqué, mais les dinosaures, ils ont une manière... Tu vois, pareil, c'est des prédateurs, tu mets un petit chat qui chasse un truc, il est là, il bouge dans tous les sens. Là, ils avancent très lentement, genre, petit, où te caches-tu? Tu vois, genre, tu sais, on dirait des hommes de main dans la mafia qui sont là, genre, merde, où est-ce qu'ils sont cachés? Tu vois, limite, ils ouvrent les tiroirs, quoi. Tu vois. En vrai, un raptor, ça rentre là-dedans, ça désingue tout, ça défonce tout. Et en deux secondes, les hommes, ils sont morts, quoi. Ils cherchent la bouffe, ils cherchent pas forcément les deux gosses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, ils aiment bien les trucs vivants, hein. Moi je sais. Hein, mais... ouais. Sachant que dans une grande malchance, quand même, le petit garçon se retrouve sur une espèce de paroi en métal qui fait genre un boucan pas possible, qui s'appuie dessus, quoi. Enfin, il se dit, mais arrête, fais pas ça. Alors lui, il connaît tous les dinosaures, mais il est pas foutu de se trouver une cachette correcte, quoi. En même temps, je comprends que les dinosaures aient pas envie de bouffer de la gelée. Hein. Ça a l'air appétissant. Et donc après, il y a une scène un peu qui est la scène finale dans la salle des commandes où ils vont. Ils vont essayer de pousser le. Enfin, en gros, les raptors vont essayer d'attaquer. Et ce qui est trop marrant, c'est que t'as vraiment cette scène où le raptor, il veut genre ouvrir la porte, donc il pousse la porte, et les autres sont derrière, genre, oh, il faut la bloquer. Ouais. Mais en vrai, un raptor, ça met un coup dedans, et puis après, ça trouve une autre solution, ou ça se recule, et ça pousse pas comme un crétin, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Bah, c'est-à-dire que dans la scène, les raptors, ils sont très intelligents. En fait, ils glissent une petite feuille de papier sous la porte, ils font tomber la clé. Ils récupèrent la clé, ils ouvrent. Après, ils n'y arrivent pas, ils reviennent avec une radio. Ah, puis il y a le raptor serrurier aussi. C'est le truc, ils ont des chalumeaux. Et donc à la fin, ils se font sauver, ça c'est très beau, par le T-Rex. Ouais. Parce que voilà, ils se retrouvent nez à nez avec les deux raptors qui vont les défoncer. Et là, qu'est-ce qui se passe? De nulle part, pareil. Alors, quand le T-Rex il arrive en bagnole, t'entends. Il arrive hyper lentement, il fait tout vibrer. Là, bam, il est là dans le salon. Et surtout, comment il rentre dans le bâtiment? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture suffisamment grande pour rentrer dedans. Il a peut-être pris son billet, il a pris le. Ouais, cette scène était un peu abusée quand même. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, donc ils bouffent un premier raptor, donc eux, ils en profitent pour s'enfuir. Et du coup, t'as le deuxième raptor qui le regarde, qui fait genre, oh, t'as tué mon frère, la vengeance. Il lui fonce dessus pour essayer de le flinguer. Tu vois. Et voilà, donc le meilleur film au monde. Enfin, pas au monde, mais c'est un très bon film, moi, je trouve. Ah bah j'ai pris du plaisir. C'est marrant parce qu'on ne l'a pas décrit comme ça. Bah non, mais on met en avant, on met en exergue les petits défauts. Mais c'est tout à fait. Non, mais c'est quand même bien foutu. Moi, je trouve les scènes de tension et tout, je trouve que c'est quand même bien. C'est cool, c'est bien réalisé. C'est très malin. Bah surtout les animatroniques qui sont trop bien, quoi. Et puis il y a des jeux sur les ombres et tout, même quand les dinos arrivent dans le resto ou ça se confond, c'est vraiment bien, même visuellement c'est vraiment bien foutu, quoi. Enfin. Par contre, moi il y a un truc que je reproche au film en fait, parce que je me suis posé la question à la fin et c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. C'est est-ce qu'il est mort sans compter? On ne saura jamais. En tout cas, il a dû dépenser pas mal et il a pas eu retour sur investissement. Quoi. Alors c'est sûr. Ce que pendant, ce qui c'est aussi bascule très, parce que pendant tout le film il fait genre j'ai dépensé sans compter, donc il est à fond dans son parc et tout, genre ses petits enfants ils sont aux portes de la mort, et il est allé, il fait non mais je pense qu'on va quand même essayer de l'ouvrir, on va régler ces 3-4 détails, et à la fin d'un seul coup il fait genre bon votre parc je pense qu'il va pas marcher, ouais moi non plus on se casse en hélico, on va sur mon autre île au Kenya. Ce qui est marrant en plus à la fin c'est que c'est Papy qui conduit l'hélico parce qu'ils sont 4 à l'arrière, donc après faut quand même faire, et là c'est vraiment le dilemme, tu sais, tu choisis soit tu restes sur l'île avec le T-Rex, soit tu tentes le coup, tu vas te faire conduire par Papy qui a jamais conduit un hélicoptère. Moi je sais pas ce que j'aurais fait aussi, quoi. En même temps il dépense sans compter, donc il sait peut-être payer des leçons de tirage. Donc c'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les tours de cube, tout le monde en a un. Wouhou! Donc cette semaine, c'est moi qui suis allé sur Amazon et Allociné pour rechercher les gens qui ont adoré ce film. Bah comme nous finalement, donc c'est un problème. Il y en a beaucoup, beaucoup. En fait, il y en a très peu de drôles. J'en ai juste pris deux parce qu'ils me faisaient un peu rire. Mais non, là globalement sur Jurassic Park, on voulait aussi trouver des zéro étoiles. C'est des gens qu'on détestait, mais en fait c'est des gens qui n'ont pas aimé la 3D de la nouvelle version, donc c'est pas du tout intéressant. Ouais. Donc on a, alors ça c'est très intéressant. On a Weihnachtsmann. Donc c'est un Allemand, hein. Retenez bien ça. Ouais. Le film d'action qui plaira à ceux qui ne sont pas fans de films d'action. Moi par exemple. Aventure, suspense, action et surtout une reconstitution majestueuse des dinosaures. C'est aussi le film qui a évincé le mot tyrannosaure de la langue française. Et ça, c'est super énervant. Le mec est complètement allemand déjà. Il s'inquiète pour le mot tyrannosaure. Mais pourquoi il dit ça? Je suis débile. Mais si, parce qu'en fait, on dit T-Rex. Ouais, on dit tout le monde dit Tyrannosaurus Rex. Hein. Alors, moi, dans mon entourage, je sais pas vous. Mais... Dans ma famille. En même temps, on dit T-Rex depuis très longtemps. Le groupe T-Rex, c'est son petit nom. Et enfin, le deuxième que j'ai trouvé, qui est, celui-là est très, très, très enjoué. Quoi. Le gars a vraiment adoré. Ragnarok The Second. Pardon? Ragnarok, c'est que des Allemands ou pas? En plus, sur le haut, c'est un prince allemand. T'es sur Amazon? Allô, ciné? Cherchez pas, il y avait deux blagues à faire parce que c'est le seul truc qu'on fait. Attention, film culte. 4 points d'exclamation. Où ça? Ce film, c'est le film culte de Spielberg, même si tous ses films sont cultes, celui-là l'est encore plus. Des dinosaures, putain, des dinosaures! Le dicton dit, quand le chat dort, les souris dansent, mais il oublie de dire ce qui se passe quand le chat se réveille. Ce film nous le dit, il est pas content du tout et il bouffe tout ce qui passe sous la dent. Mais c'est... En fait, c'est pas les cahiers du cinéma plutôt. Enfin, je crois qu'elle a été publiée dans Télérama celle-là. On parle du Twitter vite fait. Oui, donc du coup, des commentaires, des réactions sont les bienvenus sur notre Twitter, @2_HDP. Hiro des poutins, hein, toujours le moyen mémotechnique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver tous. Ah, moi aussi. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.